En signe de soutien à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire de la Corée, puissance nucléaire du Tse, le groupe des athées du matérialisme dialectique d'Italie et le comité italien d'études de l'idée du Sungun pour l'indépendance et la souveraineté ont lancé en commun une déclaration, alors que l'association d'amitié avec la Corée Séjour en Espagne et le forum allemand anti-impérialiste respectivement une déclaration. Le président du Parti socialiste béninois et le président national du Parti progressiste populaire du Nigeria ont publié chacun un entretien.